الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد donc on a terminé le passage sur les compagnons promis au paradis les 10 qui sont connus ensuite il est passé à Al-Muhajirin et Al-Ansar et on a parlé de Al-Khilafa les 4 yani, compagnons sur lesquels qui ont pris la relève après le prophète sallallahu alayhi wa sallam les 10 compagnons promis au paradis et Al-Muhajirin et Al-Ansar voilà قال المؤلف رحمه الله ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر فترحم عليهم ونذكر فضلهم ونكف عن زلالهم ولا نذكر أحدا منهم إلا بالخير لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وقال سفيان بن عيينة من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. Ensuite, les meilleurs des gens après eux sont ceux qui ont accompagné le message d'Allah صلى الله عليه وسلم un jour, un mois, une année, moins ou plus que cela. Qu'Allah leur accorde à tous sa miséricorde. Nous mentionnons leurs bienfaits et gardons le silence sur toutes leurs erreurs. Mais nous ne parlons pas sur l'un d'entre eux, si ce n'est dans le bien. Comme le message d'Allah صلى الله عليه وسلم l'a dit, quand la mention, le rappel de mes compagnons se fait, qu'il ne se fasse que dans le bien. Sufyan ibn Uyayna a dit, qui porte sur les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un seul mot, critique ou autre contre eux, fait partie des gens de la passion, de l'innovation. Charh explication. Suhbat atafadal. La compagnie des compagnons envers le messager, elle est sur différentes étapes, différents degrés. Minha suhbatun kathira wa mulazama. للرسول صلى الله عليه وسلم طويلة أو من صحبة قليلة يعني il y a des gens il y a des compagnons qui étaient longtemps mulazama c'est-à-dire ils sont restés à proximité de lui pendant longtemps une longue durée il y en a d'autres c'est pas le cas hein ils sont restés une courte durée لكن صاحبها له فضل الصحبة ولو كانت صحبته قليلة il dit mais même celui qui est resté peu de temps avec le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a ce mérite là qui est le fait d'être considéré comme étant un compagnon. قوله نترحم عليهم ونذكر فضلهم ونكف عن زلالهم. Passage là. Nous mentionnons leurs bienfaits et gardons le silence sur toutes leurs erreurs. نترحم عليهم. Pas traduit. Non. نترحم عليهم dans le sens on dit Rahmatullahi alayhim, radiyallahu anhum, etc. On implore la miséricorde pour eux, la clémence. Haqquhum alayna an natarabba anhum. Le droit qu'ils ont les compagnons sur nous, c'est d'invoquer l'agrément en leur faveur. Wa natarahhamu alayhim. D'invoquer la clémence et la miséricorde en leur faveur. Wa naqtadi bihim. De les prendre comme guide. Wa nuthni alayhim. De faire leurs éloges. Wa nakuffu alsinatana an yatta'ni fihim ou fi ahadim minhum. Et on s'abstient, on retient nos langues de blasphémer, de parler animal à leur sujet, hein, à propos des compagnons en général, ou bien sûr un parmi eux bien précisément. Ou bien le fait de parler à tort et à travers sur ce qui s'est passé entre eux, comme discorde et comme guerre. Chacun d'entre eux, il est un mujtahid, ça veut dire qu'il a fourni un effort. فمنهم مجتهد مصيب له أجران ومنهم مجتهد أخطأ وله أجر واحد. Certains ils avaient tort, certains ils avaient raison. Ceux qui avaient raison, ils ont deux récompenses. Une récompense pour l'ijtihad, pour avoir fourni l'effort. Une récompense pour avoir trouvé la vérité. Et ceux qui se sont trompés, une récompense pour l'effort fourni. والخطأ مغفور. Ceux qui se sont trompés, l'erreur est pardonnée. ثم أيضا لهم من الأعمال الجليلة ما يكفر ما يحصل من بعضهم من الخطأ. Et en plus, les compagnons, ils ont des actes, de nobles actes, qui expient ce qu'ils ont pu avoir comme différentes erreurs. قوله ولا نذكر واحدا منهم إلا بخير. Nous ne parlons pas sur l'un d'entre eux si ce n'est dans le bien. لأنهم يريدون الحق واجتهدوا. Parce qu'ils recherchaient tous la vérité, la droiture. Ils ont fourni des efforts pour concrétiser cela. وكل وكل منهم عمل وكل منهم عمل باجتهاده فمنهم من هو مصيب ومنهم من هو مخطئ مغفور له. Chacun il a fourni un effort pour trouvé la vérité. Il y en a qui ont juste, il y en a qui ont tort, et leur tort il est pardonné. وكلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ce sont tous des compagnons du messager. ولا ندخل في ما جرى بينهم. On ne rentre pas, on ne s'exprime pas à tort et à travers sur ce qui s'est passé entre eux. تأمل هذه الآية. تأمل هذه الآية والذين جاءوا من بعدهم. يعني بعد المهاجرين والأنصار. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Le verset dans Surat al-Hashr, Surat 59, verset 10. Et il appartient également à ceux qui sont venus après eux. Le Cheikh dit, après eux, c'est après le Muhajirin et l'Ansar, après les émigrés et les auxiliaires, après les compagnons. La génération après eux, ceux qui sont venus après eux par la suite. Ils disent quoi? Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Et ne mets pas, et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. الغل الغل سي الحقد سي لا رانكور كما لون ترادوي سي. ولهذا يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله الذي هذا السوجي لا من اصول اهل السنه والجماعه سلامه قلوبهم والسنتهم لصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ الاسلام ابن تيميه الكلام هذا في الوسطيه لا فان الوسطيه دي parmi les fondements de اهل السنه والجماعه le fait que leur cœur et leur langue ne touche pas hein, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont épargné hein, leur cœur et leur langue ont épargné les compagnons, c'est-à-dire ils ne parlent pas en mal sur eux, ils ne pensent pas du mal d'eux. L'aqid al-wasati à safahat 40. Salamatu qulubihim fala yubghiduna ahadan minhum. Leur cœur, ils ont épargné avec leur cœur et les compagnons, ça veut dire qu'ils ne détestent aucun parmi eux. Wa salamatu alsinatihim fala yatakallamuna fi haqqi ahadin minhum wa la yatanaqqasuna. Et ils ne se permettent pas, les sunnah, ils ne se permettent pas de s'exprimer, de parler mal sur un parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien de l'avilir. Wa an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam qala fi al-hadith as-sahih la tasubbu ashabi fa walladhi nafsi bi yadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Hadith rawahu al-Bukhari fi sahihihi wa Muslim an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, il est connu: n'insultez pas mes compagnons par celui qui détient mon âme dans sa main. Si l'un d'entre vous y dépense l'équivalent de la montagne de Uhud en or, il n'atteindra pas le Mud. Le Mud, on a dit, c'est deux mains comme ça. Deux mains réunies comme ça. Quelqu'un fait une sadaqa de quelque chose. Deux mains comme ça, c'est un rempli, c'est un Mud. Il n'atteindra pas le Mud d'un des compagnons, de ce qu'un des compagnons a donné en sadaqa, ni sa moitié. Hadith dans les deux recueils authentiques. La tasubbu ashabi. N'insultez pas mes compagnons. ثم يأتي متخلف عقل مهتز الإيمان وفيه هوى ويتكلم في صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. Il dit après ça, يعني le prophète dit n'insultez pas mes compagnons, il y a des gens qui viennent, qui ont un amoindrissement, qui sont attardés dans leur raison, et qui n'ont pas un iman, qui n'ont pas une foi qui est ferme, qui est stable. Hein? مهتز, ça veut dire, تهتز, ça veut dire se promène comme ça, se balade. Elle dandine. Wafihi hawan, quelqu'un qui suit sa passion. Et il se permet de parler mal sur les compagnons du prophète. Wahada law kana min al-firaq ad-dallah lam nastakthir alayh. Lakin al-mushkila annahu yantasib ila ahli as-sunnah wal-jama'ah. Il dit si c'est quelqu'un qui s'attribuerait à une fraction quelconque, yani qu'est-ce que tu veux faire? Il s'attribue à une fraction quelconque et lui il dit ça. Mais il dit le problème المشكلة أنه ينتسب إلى أهل السنة والجماعة. Il dit nous on est les gens de la sunna, on secourt la sunna etc. Et qu'est-ce qu'il dit? ويقول هذا من التحقيق التاريخي. Il dit ça c'est des recherches profondes qu'on a fait concernant l'histoire. C'est quoi نستكثر عليه لم نستكثر عليه كيف أنت رزمه رياض لم نستكثر عليه ها هنا هذا ولو كان من الفرق الضالة لم نستكثر عليه. Yani, tu peux rien faire. Huwa il s'est attribué à une firqa, à une fraction quelconque. Tu vois? Femme? Il dit le problème c'est que c'est quelqu'un qui s'attribue à la sunna ou le jama'a. Il dit en plus, il dit quoi? Il dit en fait on a fait des recherches profondes dans l'histoire. On a trouvé que voilà les compagnons ils ont tel défaut, ils ont tel problème, etc. وهل أنت مكلف بالتحقيق التاريخي؟ Cheikh dit est-ce que il y a quelqu'un qui t'a demandé de faire des recherches profondes sur l'histoire. Tadkhul le fichier et la tadri'an. Tu es en train de rentrer dans un domaine que tu ne connais pas, tu ne maîtrises pas. Wa yatarattabu alayhi khuturatun. وَتُشَكِّكُوا النَّاسِ فِي صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَسَلَّمْ. Il dit, il y a de graves conséquences dans tes recherches, comme tu dis toi. Et en plus, tu fais introduire des différents doutes à propos des compagnons auprès des gens. وَتُغْرِرُ قُلُوبَ النَّاسِ عَلَى صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَسَلَّمْ. Tu engendres que les gens, ils ont auprès de là. Tourir, ça veut dire que tu engendres que les gens, ils ont de la rancœur après. Hein? Ils ont de la rancœur, de la rancune. Ils ont le cœur serré, étroit à propos des compagnons. L'obligation qui nous incombe et qui lui incombe à cette personne-là, c'est l'imsak. Imsak, on a dit, c'est tu t'abstiens. Hein? Tumsik, tu t'arrêtes, tu t'abstiens à propos de ce qui s'est passé entre eux. Mashajara, ce qui s'est passé entre eux. Qawluhu li qawli rasulillah sallallahu alayhi wa sallam idha dhukira ashabi fa amsiku. Quand la mention, le rappel de mes compagnons se fait, qu'il ne se fasse que dans le bien. Ça veut dire, Cheikh, il dit, faut s'abstenir de parler en mal sur les compagnons à cause de la parole du messager que lui-même il a dit, lorsque mes compagnons sont évoqués en bien, il va. Maintenant, quand la mention, le rappel de mes compagnons se fait, qu'il ne se fasse que dans le bien. Que dans le bien. Rawahu al-Tabarani fil Mu'jam. Rawahu al-Tabarani fil Mu'jam al-Kabir. La tasubbu. Il dit, il y a ni plus clair. Asrah, c'est donc plus clair, hein? Plus direct. Qui va? C'est plus direct encore. Ça veut dire le prophète sallallahu. Plus direct que ça, la tasubbu ashabi, n'insultez pas mes compagnons. C'est une restriction quant au fait d'insulter un des compagnons. L'obligation qui nous incombe, dire rahmatullahi alayhim, radiyallahu anhum, wa anna staghfira lahum amalan bi qawlihi ta'ala, de demander pardon en leur faveur, pour se conformer à la parole d'Allah, wa alladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Il appartient également à ceux qui sont venus après eux en disant, Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. Wa anna kuffa alsinatana wa aqlamana 'anil kalam fi sahabati ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. S'abstenir, hein, na kuffa alsinatana, nos langues et nos aqlam, c'est le pluriel de qalam, ça veut dire on n'écrit pas, on s'exprime pas à propos des compagnons en mal. L'obligation qui nous incombe, c'est prendre leur défense. Quelqu'un qui se permet d'avilir un parmi les compagnons, ne serait-ce qu'un. On montre que sa parole elle est vaine. Car sa parole elle est en totale contradiction avec la conviction, avec le dogme qui est juste et qui est conforme. Hein? La conviction de Ahl Sunnah wal Jama'a. Wa Sheikh al Islam fil Wasatiyya yaqul ma nuqila anhum imma ma nuqila anhum imma annahu ghayru sahih fa huwa min al kadhib wad dass wa al sahih minhu sahibuhu mujtahid. Il dit ce qui est rapporté à leur propos, yani les différentes choses que les gens leur reprochent. Il dit imma annahu sahih, soit c'est tout simplement mensonger. Il y a des choses qui sont attribuées à des compagnons qui sont mensongères. Min al kadhib wad dass. Le kadib, c'est quoi? Ma'ruf, et des, c'est quoi? Des, c'est comme quelqu'un qui s'infiltre au milieu. Ce qu'il dit à chaque fois, regarde. Des 6. Hein? Quelqu'un qui rentre au milieu, et qui lance des choses. Bon, sahih, il dit ce qui est rapporté. Il y a des choses qui sont rapportées sur des compagnons, des événements qui sont passés, qui sont réels et véridiques. Sahibuhu mujtahid, il dit, l'auteur de cette erreur-là, c'est quelqu'un qui a fourni un effort et s'est trompé. والمجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. معروف هذا في الحديث. مجتهد quelqu'un qui fournit un effort. S'il se trompe, il a deux. S'il trouve la bonne solution, il a deux récompenses. Et s'il se trompe, il a une récompense. وأيضا لهم من الفضائل ما يغمر ويغطي ما يحصل من بعضهم من الخطأ. Il dit également, ils ont des mérites qui couvrent. يغمر, c'est comme يغطي, même chose. Qui couvrent les différentes erreurs qu'ils ont eues. Ma yahsulu min ba'dihim min al-khata. Certains d'entre eux, les erreurs qu'ils ont faites. Al-Aqid al-Wasatiyya, toujours, safhat 40. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qala fi Hatib ibn Abi Balta'a, lamma ijtahada wa kataba li ahli Makkah, وقال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال صلى الله عليه وسلم لا تدري يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. Il dit, le compagnon Hatib, radiyallahu anhu, le compagnon qui a kataba li ahli Makkah, c'est celui qui a, il a déclaré le secret prophétique. Hein? Il a envoyé une lettre aux gens de la Mecque. Il leur a dit, le prophète, il va venir, yerzoukoum, il va venir pour vous attaquer. Et il a envoyé ça avec une femme. Hein? Il a écrit un écrit, il l'a donné à une femme. Qissa ma'roufa, il a le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le wahy, il est venu, il a envoyé Ali et un autre compagnon, ils ont rattrapé la femme en cours de route et ils lui ont dit akhrij al kitab, ils ont dit sors l'écrit. Elle a dit j'ai pas d'écrit. Il a dit Ali radiyallahu anhu ma kadabna wa la kudhibna, ça veut dire on n'a pas menti et yani dans le sens celui qui nous a donné l'information n'a pas menti et on va pas être yani démenti, c'est sûr qu'il y a un écrit. Il lui a dit imma tukhrij al-kitab wa imma nudarrid al-thiyab. Il lui a dit soit tu donnes l'écrit, soit on va te dévêtir pour trouver l'écrit. Et elle a sorti l'écrit, ils sont revenus. Et il est revenu, Ali radiallahu anhu, un compagnon qui était avec lui, il a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'écrit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit à Hatib, il lui a dit pourquoi t'as fait ça? T'as fait le qissa dans le kitab al-tawhid. Après Omar l'a dit, ça là, il a dit Darni, laisse-moi au messager d'Allah frapper le coup de cet hypocrite. Parce qu'il a dévoilé le secret. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Omar, tu ne sais pas, Allah a très certainement déclaré aux gens de Badr, les compagnons qui étaient à la bataille de Badr, 310 et quelques, il a dit faites ce que vous voulez, car certes je vous ai pardonné. C'est pour ça qu'après les 10 compagnons promis au paradis au Kada, il y a Ahl Badr, ils viennent dans. À cause de ce hadith-là, il vient parmi les premiers qui ont les meilleurs des mérites. C'était un compagnon qui était présent à la bataille de Badr en l'an 2. قوله وقال سفيان بن عيينة من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. سفيان بن عيينة a dit qui porte sur les compagnons du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم un seul mot critique ou autre contre eux, fait partie des gens de la passion de l'innovation. لأنه لا يتكلم فيهم إلا صاحب وهوى وتعرض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il ne se permettra de parler sur eux que quelqu'un qui est un adepte de sa passion et quelqu'un qui s'expose à eux, c'est-à-dire qui se permet de parler en mal sur eux, et sur les compagnons du prophète. الواجب لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحبة والإجلال والإكرام. L'obligation envers les compagnons, c'est le fait de les aimer, de les valoriser et de les honorer. وَمَعْرِفَةُ قَدْرِهِمْ, connaître leur valeur, connaître leur place, hein, la place qu'ils ont. وَالْإِخْتِدَاءُ بِهِمْ, les prendre comme guide, comme exemple. لِأَنَّهُمْ خَيْرُ الْقُرُونَ, car ce sont eux qui ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les meilleurs des générations. وَلِأَنَّهُمْ رَأَوَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآمَنُوا بِهِ, ils ont vu le prophète et ils ont cru en lui. وَصَحِبُوهُ وَنَصَرُوهُ, ils l'ont accompagné, ils l'ont soutenu. Jahadu ma'ah, ils ont fourni tous leurs efforts à ses côtés. Wa tahammalu al-'ilma 'anhu, ils ont pris de son savoir qu'il leur a transmis. Fahum afdalu hadhihi al-umma, ce sont les meilleurs de cette communauté. Balhum afdalu al-khalqi ba'da an-nabiyyin, mieux que ça, ils disent ce sont les meilleurs des créatures après tous les prophètes. Lianna Allah ikhtassahum bi suhbati nabiyyihi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam khatam an-nabiyyin wa afdal al-mursalin. Khatam an-nabiyyin wa afdal al-mursalin, il dit Allah, il leur a attribué à eux spécifiquement ce mérite qui est le fait d'accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes et le meilleur des envoyés. فَلَا يَطْعَنُ فِيهِمْ إِلَّا مَنْ فِي قَلْبِهِ غِلْ وَحِقْدْ عَلَى الْإِسْلَامِ, ne se permettra de parler mal sur eux que quelqu'un qui a une rancœur, et qui a حِقْد, qui a pareil yani, que le غِلْ, hein, il a une rancune, une rancœur sur l'islam. فَهُوَ لَا يَطْعَنُ فِيهِمْ لأشخاصهم إنما يطعن فيهم لأجل ما قاموا من نصرة هذا الدين. يعني quelqu'un qui parle mal sur eux, peut pas parler mal sur eux à cause de leur personnalité, mais il va parler mal sur eux à cause de ce qu'ils ont apporté à cette religion. وتبليغه للناس بأمانة, le fait qu'ils ont transmis cette religion aux gens avec d'une manière propice et conforme. فالذي يطعن فيهم إنما يطعن من أجل هذا. Celui qui se permet de parler mal sur eux, il se permet de parler mal sur eux à cause de cette raison-là, pour cette raison-là. لأنه حاقد على الإسلام. حاقد على الإسلام. C'est quelqu'un qui a de la rancœur contre l'islam. وموتور من الإسلام. فهو يتشفى بذلك. موتور, il est coupé de l'islam. يتشفى بذلك. تشفى ريال شو معنى؟ شيرش اس غيرير avec ça non non bon. Il trouve un plaisir à faire cela. يتشفى بذلك. ولأجل أن يقطع صلة الأمة بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم. Il veut couper la relation avec le prophète. Puisque la relation qu'on a, nous, avec le prophète, c'est les compagnons. On trouve ça au début de chaque hadith, selon un tel, selon un tel. لأنهم هم الواسطة بيننا وبين الرسول. فهذا قصد من يطعن فيهم. Il dit, ce sont eux nos intermédiaires entre nous, intermédiaires dans la transmission de la religion, pas d'autre chose, entre nous et le messager. Donc, voilà le but. L'intention de celui qui permet à sa langue de laisser s'exprimer en mal sur eux. ولهذا لما ذكر المهاجرين والأنصار في سورة الحشر قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا فدل على أن الذي يطعن فيهم أو في أحد منهم إنما هو لغل يجده في قلبه عليهم. Donc ça montre, puisque la personne est censée dire voilà, taj'al fi qulubina ghillan, fais en sorte qu'il n'y a pas de rancœur dans notre cœur à propos de ceux qui ont cru avant nous. Ça montre que celui qui parle mal sur eux, c'est qu'il a de la rancœur envers eux, hein, dans son cœur. Walihada qala Sufyan ibn Uyayna al-Imam al-Jalil. Sufyan ibn Uyayna rahimahullah, quand vous trouvez Sufyanayn, bien Sufyanan, c'est lui et Sufyan al-Thawri. Il a dit Sufyan ibn Uyayna rahimahullah, man nataqa fi ashabi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bi kalimatin fa huwa sahibu Hawan. Qui porte sur les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un seul mot critique ou autre contre eux fait partie des gens de la passion. Sa passion qui l'a poussé, qui l'a conduit à parler sur cela. Le fait de les détester, le fait de les haïr, le fait d'avoir de la rancœur envers eux. Les pires des gens, ceux qui parle mal sur les compagnons du messager. وقد افتضحوا بالكذب والكراهية بين الناس. C'est des gens que Allah il a dévoilé, hein? C'est des gens qui portent ce grand défaut qui est le mensonge, hein? Sont détestés par les gens. فلا يراهم أحد إلا وهو يكرههم. Personne qui les voit sans détester ce type de personne. لأن الله وضع لهم البغض في الأرض. Allah il a exposé, comme il a exposé le mahabba à des gens, il a exposé le karahiyya wal bourd, le fait d'être détesté sur la terre, à d'autres. فلا أحد يرى من يبغض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو يجد في نفسه بغضا لهم. Et quand tu vois quelqu'un qui déteste les compagnons, tu as un dégoût envers lui. وكراهية لهم نسأل الله العافية. وهذا لا يضر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يضر الإسلام. En réalité, ça ne fait pas de mal aux compagnons ni à l'islam. Les compagnons, ils ont leur valeur et ils ont leur récompense. L'islam, il continue son chemin, sa traçabilité et il restera jusqu'à la fin des temps. Il va être secouru. Ils font du mal qu'à eux-mêmes. Les gens là qui se permettent de parler comme ça. لكن الخوف على من يقرأ كتبهم ممن ليس عنده علم. Il dit, la crainte, elle est apposée sur les gens qui vont lire ce type de livre là et qui ne connaissent pas la position que le musulman il doit avoir envers les compagnons. فيقع في نفسه شيء على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتأثر بذلك. Il va ressentir des choses néfastes envers les compagnons et ça va faire des effets néfastes et mauvais sur lui. وكم وقع من فريسة من أبناء المسلمين بسبب مطالعة كتب هؤلاء. Combien y a-t-il eu de فريسة, c'est quoi? Hein? Là. فريسة, c'est la proie. Combien de proies parmi les enfants des musulmans, dans le sens des jeunes musulmans, à cause de la lecture de ces différents livres-là, sont tombés dans cette catastrophe. لِأَنَّهُ إِذَا قَرَأَهَا تَأَثَّرَ بِهَا. Quand il lit cela, ça fait effet sur lui. وَوَجَدَ فِي نَفْسِهِ بُغْضًا لِصَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Il ressent la haine envers les compagnons. أَوْ عَلَى الْأَقَلِ يَقِلُّ قَدْرُهُمْ عِنْدَهُ وَيَنْقُصُونَ عِنْدَهُ. Au minimum, il dit même s'il ne les déteste pas, au minimum il ne leur donnera pas leur valeur réelle. فهذا هو الخوف على شبيبة المسلمين. Voilà la peur, voilà ce que l'on craint pour la jeunesse musulmane. وعلى شبيبة, ça vient de شاب. وعلى الذين لم يتمكنوا من العلم. Les gens qui n'ont pas certaines connaissances dans ce domaine. أن يتأثروا بهذه الكتب التي تطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يتأثروا بهذه الكتب. Ça va faire effet, yani, ces livres-là, ils vont faire effet sur eux, les livres qui se permettent de s'exprimer au mal sur les compagnons. La siyama wa annaha tunsharu al-an wa tunammaq. Il dit surtout qu'aujourd'hui, ce sont des livres qui sont distribués, qui sont commercialisés, voilà, répandus. Wa tukhraju fi ahsani ikhraj min at-tiba'a wa min at-tajlid wa yurawijunaha fi al-ma'arid. Khalla hatta haja. Il dit, ils sortent ces livres-là avec une belle impression. L'impression, c'est-à-dire le livre est bien imprimé. Et le tajlid, c'est-à-dire devant. Voilà, la couverture, le gaddam, tu m'as le bien. Muzakhrafa. Wa yurawijunaha fil ma'arid. Tarwij, c'est la propagation. Hein? Répandre, propager. Yajiduna dhalika fursatan lahum. Liyanshuru wa yushi'u al-waqi'ata fi sahabati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Ils trouvent que c'est une occasion à ne pas rater de répandre. Le fait c'est tomber sur cette chose là c'est à dire s'imprégner et se permettre de parler bien comme il faut c'est à dire sur les compagnons c'est à dire de parler en mal sur eux. Il a dit Abu Hatim ou bien Abu Zur'a Razi, un des deux, la reconnaissance, comment reconnaître les innovateurs, il tombe sur les gens qui suivent les traces. Ala ra'sihim as-sahaba wa la shakka anna ta'n fi sahabati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ta'nun fil rasoul. Comme on a vu auparavant, parler mal sur les compagnons du messager, c'est comme si tu parlais mal sur le messager. Kayfa yakunu sahabatuhum min ha'ula alladhina wasafuhum bihadhihi al-awsaf al-qabiha hadha ta'nun fil rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Yani ces compagnons, ils sont de la sorte, ils sont mauvais, si on peut dire ça, et eux ils les caractérisent avec des mauvaises caractéristiques, donc le messager il est également mauvais puisque le messager il a dit du bien des compagnons. D'accord? وأيضا هو تكذيب لكتاب الله. هو تكذيب لكتاب الله. يعني des savants ils vont même plus loin. Ils disent que طعن في الصحابة طعن في الله. Parce qu'Allah il a fait leurs éloges. Ça voudrait dire qu'Allah il a fait des éloges des gens qui sont pas bien. وأيضا هو تكذيب لكتاب الله. T'es en train de démentir le Coran. فإن الله أثنى على الصحابة في القرآن. Voilà, il le dit là. Allah il a fait les éloges des compagnons dans le Coran. في القرآن العظيم. في آيات منها قوله تعالى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. Les tout premiers croyants parmi les émigrés, les auxiliaires et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement, Allah les agrée et il l'agrée. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et ils demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Sourate 9, verset 100. Tauba, verset 100. قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. Donc سورة الفتح verset 18 et 19, سورة 48 verset 18 et 19. Allah a très certainement agréé les compagnons, les croyants, quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. Il a su ce qu'il y avait dans leur cœur et a fait descendre sur eux la quiétude et il les a récompensés par une victoire proche ainsi qu'un abondant butin qu'ils ramasseront. Wa qala ta'ala Muhammadur Rasulullah wal ladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari as-sujud dhalika mathaluhum fi at-tawrat. Donc il dit l'aya, dernier verset de sourate al-Fath, sourate 48 verset 29, Muhammad le messager d'Allah et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Telle est leur image dans la Torah et l'image qu'on nous donne d'eux dans l'évangile est celle d'une semence qui sort ça pousse, puis se raffermit, s'épaissit, ensuite se dresse sur sa tige, à l'émerveillement des semeurs. Allah, par eux, les croyants, remplit de dépit les mécréants. Allah promet à ceux d'entre eux qui croient et font de bonnes œuvres un pardon et une énorme récompense. Verset. قال يعني صفتهم يعني صفتهم في التوراة فهم مذكورون في التوراة كما ذكر نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. Les compagnons, ils ont été évoqués dans la Torah, comme le prophète, il a été évoqué dans la Torah. ومثلهم في الإنجيل الذي نزل على عيسى كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار فدل على أنه لا يغتاظ من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبغضهم إلا كافر. Dit, ça montre que la yartazu. Yartazu, ça vient de al-ghayz, la rage. Quelqu'un qui n'aura la rage envers les compagnons, il ne les détestera que quelqu'un qui est mécréant. Et قوله تعالى ليغيظ بهم الكفار. فهذه هي علامة الكفر. فبغض صحابة رسول الله كفر ونفاق والعياذ بالله. Détester les compagnons du messager, c'est de la mécréance et d'hypocrisie. والعياذ بالله. Comme l'a dit Tahawi dans العقيدة الطحاوية. قوله بكلمة فهو صاحب هوى كلام سفيان عاود كلام سفيان كم سفيان ابن عيينة a dit qui porte sur les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un seul mot critique ou autre contre eux fait partie des gens de la passion de l'innovation. أي إذا تكلم في تنقص الصحابة بكلمة واحدة فهو صاحب هوى. Quelqu'un qui ne serait qu'une seule parole dans l'avilissement des compagnons ou d'un compagnon, c'est quelqu'un qui suit sa passion. إذا كان هذا يحصل بكلمة واحدة فكيف بالذي يؤلف كتبا في سبهم والواقعة فيهم. Une seule parole, tu deviens de la sorte. Que dire de quelqu'un qui a fait des tomes et des tomes, des livres et des livres sur les insultes proférées à l'égard des compagnons. وتلمس العثرات لهم. Ils recherchent عن leurs erreurs. تلمس يبحث عن العثرات عن الأخطاء لهم. وتضخيمها. Ils cherchent à les agrandir. Ça vient de الضخم. Il cherche une erreur qu'il a faite, il cherche à la rendre comme étant une énormité. Kayfa bihada, que dire de cela? Idha kana man nataqa bi kalimatin fi sahabati rasulillah fahuwa sahibu hawan, ya'ni yattabi'u hawa, li'annahu ma takallama illa li hawan fi nafsihi wa bughdin li sahabati rasulillah. Yani que dire de quelqu'un qui a fait plus que cela? C'est pas seulement une parole, mais c'est bien plus que cela. Quelqu'un qui s'est prononcé, c'est quelqu'un d'une manière plus évidente qui suit sa passion et il y a que sa passion lui a dicté cela et c'est quelqu'un qui déteste les compagnons. Il y a dans le verset qu'on a vu avant, surat al-Hashr, qissa al-Imam Malik rahimahullah. L'Imam Malik, il a entendu quelqu'un parler mal sur les compagnons. Il l'a appelé, il lui a dit: هل أنت ممن قال الله فيهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Il lui a ramené le verset, ça c'est sur qui? Le verset. الفقراء المهاجرين. Ça c'est sur les مهاجرين. Il lui a dit, est-ce que toi tu fais partie de ces gens-là? Allah, il a dit à leur propos, il appartient aussi aux besogneux, émigrés besogneux qui ont été expulsés de leur demeure et de leur bien, tandis qu'ils recherchaient une grâce et un agrément d'Allah. Et qu'il portait secours à la cause d'Allah, à son messager, cela sont les véridiques. La personne, elle lui a dit, non, je ne fais pas partie de ces gens-là. Il lui a dit, هل أنت ممن قال الله فيهم. Le verset suivant, والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Le verset suivant, il lui a dit, est-ce que tu fais partie des gens? Allah, il a dit, il appartient également à ceux qui avant eux se sont installés dans le pays et dans la foi, qui aiment ceux qui émigrent vers eux et ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que ces émigrés ont reçu, et qui les préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux. Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. La personne, elle lui a dit non. Et l'imam Malik rahimahullah, il lui a coupé tout espoir et lui a dit, moi je prends Allah à témoin que tu ne fais pas partie de... Le verset suivant. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Si tu ne fais pas partie de Muhajirin, ne fais pas partie d'Ansar, comme ils ont dit les savants, il y a trois catégories. Il y a le Muhajirin, Allah il a fait leurs éloges. Il y a l'Ansar, Allah il a fait leurs éloges. Et il a fait les éloges d'une troisième catégorie qui vient après eux, à une condition. Il appartient également à ceux qui sont venus après eux, disant: Seigneur, pardonne-nous à ceux qu'à nos frères qui nous ont précédés. Qui nous ont précédés, les compagnons, en premier lieu, dans la foi. Et comme l'imam Malik l'a entendu parler en mal sur les compagnons, il lui a dit, moi je prends Allah à témoin que toi tu ne fais pas partie de ce verset. Et les savants, ils ont dit, les deux premières catégories, elles sont terminées, tu peux rentrer dans la troisième ou en sortir. À toi de choisir. Tu peux rentrer dans ce verset-là, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, ou alors tu peux en sortir en disant le contraire. Non, واصل ان شاء الله. Tous les savants dans leur kutub al-aqida, ils ont parlé de ça, le fait c'est-à-dire de respecter, aimer les compagnons, etc. Et Kitab al-Kutub al-Tahawiyya, Tahawi a parlé de ça, Al-Hakami dans Sunan al-Wusul, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dans Al-Wasitiyya, Al-Qahtani Nuniya, l'Ibn al-Qayyim dans Nuniya, tous les écrits de l'Atiqad, il y a ijma' là-dessus, il y a unanimité des savants là-dessus, il n'y a pas de divergence. J'avais parlé des conflits qui arrivent. Les conflits, les savants disent ala naw'ain. Si tu cites le conflit pour l'expliquer à des gens qui peuvent le comprendre, juste qu'est-ce qui s'est passé, hein, sans dénigrer une partie, etc., il n'y a pas de mal. Il y en a, les savants, ils ont hakamou. Il y en a Ali radiallahu anhu, il avait sur le hurub qu'il y a eu, ma'arakat al-jamal et ma'arakat al-siffin, ils ont dit c'est Ali radiallahu anhu qui avait raison, Mu'awiyah il est en tort. Mais il y a des gens qui comprennent ces choses-là. Si tu t'exprimes devant des gens qui ne vont pas comprendre et qui vont se mettre à, tu vois, ah, il a tué l'akhar et il a fait ça, et Aïcha elle était du côté de Mu'awiyah, etc., tu vas provoquer une discorde pour des gens qui ne comprennent pas, tu vois. Donc ils disent l'imsak, yani tu t'abstiens, tu ne parles pas du tout de ça. Sauf si c'est pour clarifier, pour comprendre ce qui s'est passé, la harj. Cheikh Ibrahim Rouhaili dit quelqu'un qui lit exactement ce qui s'est passé entre les compagnons, il les aime encore plus qu'avant. Mais quelqu'un qui lit qu'est-ce qui s'est passé par rapport à des gens qui écrivent à tort et à travers, ils vont rajouter des choses mensongères, ils vont citer des choses et pas les expliquer conformément à ce qui s'est passé, etc. Et tu risques de comprendre les choses de travers et prendre parti, ou alors laisser ta passion te guider et parler mal sur des choses. الله أعلم. قال المؤلف رحمه الله والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضاه ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام براء كان أو فاجرا برا كان أو فاجرا. Il faut écouter et obéir aux imams, détenteurs du pouvoir, dans ce qu'Allah aime et agrée. Quiconque devient califat, à travers le consensus des gens et leur agrément, devient le chef des croyants, Amir al-Mu'minin. Et il n'est pas permis pour quiconque de passer une seule nuit alors qu'il n'a pour lui aucun imam, qu'il soit imam vertueux ou mauvais. Là, il parle des gouvernants, hein, des gens qui ont l'autorité suprême dans le pays. C'est ça l'imam à la base. الشرح إكسبليكاسيون من أصول أهل السنة والجماعة المبنية على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين. Parmi les fondements chez les gens de la Sunna du consensus, qui sont basés sur les textes, le livre d'Allah et la Sunna du messager, c'est le fait d'écouter et d'obéir aux gouvernants, les gens qui détiennent le pouvoir parmi les musulmans. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله Allah il a dit, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers, à ceux qui détiennent le pouvoir parmi vous. Surat Nisa, surat 4, verset 59. Minkum, parmi vous, c'est-à-dire, yani min al-muslimin, parmi les musulmans. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, usikum bi taqwallah, as-sam'i wa at-ta'ah, wa in ta'ammara alaykum 'abd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je vous recommande la crainte d'Allah et l'écoute et l'obéissance, même si celui ta'ammara, ça vient de l'imara, c'est-à-dire celui qui prend le pouvoir parmi eux, il devient amir. Alaykum abd, c'est un esclave. Fi riwaya wa in ta'ammara alaykum abdun habashi, dans une version, même si c'est un esclave éthiopien. Wa fi riwaya abdun mujadda'u al-atraf, même si c'est quelqu'un qui a, dans le sens, plein de cicatrices, hein, partout, etc. Ya'ni muqatta' al-rijlain. Quelqu'un qui est coupé, il a ses mains coupées, ses bras coupés, ses jambes coupées. Madame annahu waliyu al-amr, tant que c'est waliyu amr. Madame annahu waliyu amr, tant que c'est lui le gouvernant suprême des musulmans et dans son pays, etc. Tajibu ta'atuhu bil ma'ruf, il faut lui obéir dans le bien. Fahada min usul al-aqida, ça fait partie des fondements de la conviction du musulman sur lequel il doit être ferme. Il ne doit pas être instable. وَالَّذِي يَخْرُجُ عَلَى أَيْمَةِ الْمُسْلِمِينَ يَكُونُ مِنَ الضَّالِّينَ. Celui qui se rebelle sur les gouvernants des musulmans, il fait partie des gens qui sont perdus. Imma annahu khariji ou mu'tazili. Soit c'est quelqu'un qui fait partie de la secte des Khawarij, qui se permettent de se rebeller contre les gouvernants, comme à l'époque de Uthman et de Ali, ou bien min al-mu'tazila. Mu'tazila qui sont apparus un petit peu après eux. Ou sahibu nihlatin batilah tukhalifu sunnat ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien n'importe quelle autre fraction qui n'est pas en conformité avec les textes et les recommandations prophétiques. قوله والسمع والطاعة للأئمة فيما فيما يحب الله ويرضى. Il faut écouter et obéir aux imams détenteurs du pouvoir dans ce qu'Allah aime et agrée. بهذا القيد. Très important ça, pour pas faire partie des laxistes. بهذا القيد. Il dit avec ce paramètre à prendre en compte. Quel est le paramètre? فيما يحب الله ويرضى. Tant que le gouvernant il ordonne ce qu'Allah il aime et il agrée. Amma al-ma'siyah fala yuta'una fiha. Concernant péché quelconque, il ne faut pas obéir à qui que ce soit dans un péché. Qala sallallahu alayhi wa sallam la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Il n'y a pas d'obéissance, le prophète il a dit, il n'y a pas de désobéissance à une créature dans la désobéissance du créateur. Rawahu al-Imam Ahmad fi al-Musnad wa al-Tabarani fi al-Mu'jam al-Kabir wa al-Qadha'i fi Musnad al-Shihab wa ghayruhum wa lafdhu li-Tabarani al-Qadha'i wa lafdh Ahmad la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati Allah. وأصله في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه وهو الآتي. يعني dit que il y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance du créateur. وقال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit il y a pas d'obéissance ou bien il a dit plutôt l'obéissance doit se limiter à ce qui est dans le bien. Rapporté par le Bukhari dans son authentique et Muslim. Hadith de Ali رضي الله عنه et le recueil de Muslim il cite لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. Il y a pas d'obéissance à quiconque dans la désobéissance d'Allah, l'obéissance doit se faire dans le bien. وليس معنى ذلك أنه إذا أمر ولي الأمر بمعصية من المعاصي أنها تنخلع إمامته. Ça ne veut pas dire que quand le représentant des musulmans, lorsqu'il ordonne un péché, il perd son pouvoir et le fait qu'il est gouvernant, il perd cela. Il dit ça ne veut pas dire ça. بل إنه لا يطاع في هذه المعصية. Le péché qu'il a ordonné, il ne faut pas se soumettre à son ordre. Il ne faut pas lui obéir. وَلَكِنْ يُطَاعُ فِي مَا لَيْسَ فِيهِ مَعْصِيَةً. Les choses qu'il a ordonnées, qui ne sont pas des péchés quelconques, il ne faut pas lui obéir. وَتَبْقَى وِلَايَتُهُ. Les choses qu'il a ordonnées, qui ne sont pas péchés, il faut lui obéir. D'accord. وَتَبْقَى وِلَايَتُهُ. Son caractère de wali, wali amr, ça veut dire gouvernant, représentant des musulmans, il reste. وَيُطَاعُ فِي مَا لَيْسَ بِمَعْصِيَةً. Tout ce qui n'est pas péché, il faut lui obéir. Tout ce qui est quelque chose qui est une désobéissance à Allah, c'est un péché, faut pas lui obéir. قوله ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. Quiconque devient califa à travers le consensus des gens et leur agrément devient le chef des croyants, أمير المؤمنين. هذا بيان فيما تنعقد به الإمامة. فإن الإمامة تنعقد بأحد أمور. Il dit à travers quoi le gouvernant il va devenir gouvernant conforme, hein? Gouvernant conforme, حاكم شرعي. فإن الإمام تنعقد بأحد أمور. الإمام يعني الغوفرنور va devenir imam شرعي, il va devenir un gouvernant conforme à travers certaines choses. الأمر الأول premièrement ما ذكره المؤلف, ce que l'auteur il a cité, وهو من يختاره المسلمون, celui qui a été choisi par les musulmans. والمراد بالذين يختارون الإمام هم أهل الحل والعقد من العلماء والأمراء وأصحاب السياسة. Il dit le gouvernant il va être choisi, il va pas être choisi par tout le peuple. Il va être choisi par ce qu'on appelle Ahlul Halli wal Aqd, les gens qui sont aptes à, si on peut dire, trouver des solutions et choisir cette personne-là parmi des gens de science, des gens qui sont Omara, des gens qui ont déjà l'expérience dans ce domaine-là de fait de diriger un peuple, etc. Et des gens qui ont de la connaissance dans la politique. Wa Omara al-Ajnad. Ajnad, Junod. Les, hein? T'as choisi les meilleurs, toi. Hein? Dubat. وليس معناه أن اختيار الإمام لكل أحد من الصبيان والنساء والحضر والبدو. Il dit c'est pas tout le monde qui choisit le gouvernant, les enfants et les femmes et les gens qui vivent dans les civilisations, dans les villes et les gens qui vivent à l'écart dans les fermes, dans les campagnes. لأن الناس تبعوا لأهل الحل والعقد. Les gens ils doivent suivre leurs représentants, hein, Il y a des personnes bien habilitées à cela. فَإِذَا اخْتَارَ أَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ إِمَامًا وَجَبَ عَلَى الْبَقِيَّةِ أَنْ يُطِعُوهُ. Lorsque ces gens-là, ils choisissent le gouvernant, le reste, la masse de la communauté, doivent lui obéir. وَهَذَا كَمَا حَصَلَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. Voilà comment ça s'est passé dans le choix du compagnon Abu Bakr Abdullah ibn Uthman الصديق رضي الله عنه فإن الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعوا على بيعة الصديق. Il dit les compagnons ils étaient tous unanimes après la mort du messager sur le choix de faire pacte d'allégeance, de prêter allégeance et obéissance à الصديق رضي الله عنه. فكانت بقية الأمة تابعة لمن اختار الصديق. Le reste de la communauté se sont pas opposés et ils sont censés suivre ceux qui sont habilités à choisir le gouvernant, ceux qui ont dénommé, ceux qui ont nommé Abu Bakr radiyallahu anhu. Wa lam yuftah al-majal li kulli ahad li yusharika fi al-ikhtiyar. Et ils n'ont pas ouvert la porte à tout le monde. N'importe qui, il vient et dit je veux choisir un tel ou je veux choisir un tel. Yanna hadha min ikhtisas ahli al-hal wal 'aqd. Il y a des gens bien habilités à cela qui ont cette responsabilité. Fal muslimun ikhtaru Abu Bakr radiyallahu anhu afdalahum. Donc les musulmans habilités à cela, ils ont choisi Aba Bakr radiyallahu anhu afdalahum, donc le meilleur des compagnons parmi eux qui était lui-même. Wa hadha ikhtiyarun lahu adilla min sunnati ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce choix là il y a différentes preuves du sunna du messager pourquoi ils ont choisi Abu Bakr. Premièrement, awwaluha anna Aba Bakr afdalu as-sahaba al-itlaq ma khalafa fi hadha ahad. Il dit Abu Bakr c'est le meilleur des compagnons, sur tous les compagnons réunis c'est le meilleur de tous les compagnons et il n'y a personne qui s'est opposé à cela. وثانيا deuxièmement ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى اشارات باستخلافه منها. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a lui-même يعني il y avait des signes, des choses qui montraient comme quoi c'était lui son califat après lui, c'est lui qui allait prendre la relève. انه في مرض موته قدمه للصلاه ليوم المسلمين في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Quand le prophète صلى الله عليه وسلم il est malade de mort, c'est-à-dire la maladie qui a engendré sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a désigné pour prier, pour diriger la prière. Fi mihrab rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, rawahu al-Bukhari wa Muslim an Aisha radiyallahu anha. Wa yaqifu mawqifa rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est mis à la place du messager dirigeant la prière. Hadhihi ishara ila annahu huwa imamuhum fil khilafa. Ça montre que c'est lui qui va, comme il a hérité de lui, yani il a dirigé la prière après lui dans son absence et en sa maladie. Il dit c'est lui yani qui va le représenter après lui. Kama huwa imamuhum fi as-salat fakhtaru Aba Bakr wa qalu ayardaka Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li dinina wa la nardaka li dunyana. Ils ont dit yani le prophète sallallahu alayhi wa sallam il t'a agréé pour notre religion, pour diriger la prière, etc. Comment nous pourrions ne pas t'agréer pour notre vie quotidienne? Wa n'aqadat bay'atuh. Ils lui ont fait pacte d'allégeance et obéissance. Wa ajma' as-sahaba ala dhalik. Man bashara al-ikhtiyar wa man lam yubashir fa huwa tab'a. Les compagnons qui étaient là pour donner leur avis d'une manière primaire, ils ont choisi cela. Et ceux qui n'étaient pas là et qui n'ont pas participé à cela ou qu'on n'a pas demandé, on leur a pas demandé leur avis, ils ont suivi. Les musulmans ne représentent qu'un seul corps et qu'une seule assemblée. Al-amr al-thani, deuxièmement, walamma hadarat Aba Bakr al-wafat, ikhtara Umara hadarat Aba Bakr. C'est le wafat qui se présente, d'accord? Vous aurez toujours ça. Walamma hadarat Aba Bakr al-wafatu. C'est la mort qui se présente à l'homme. C'est pas l'homme qui se présente à la mort. C'est pour ça qu'Aba Bakr mansoub et le wafat marfou'. Ikhtara Umar ibn al-Khattab wa ayyanahu badalan anhu. Abu Bakr radiyallahu anhu, il a désigné Umar ibn al-Khattab. Il l'a déterminé. Fa sami'a al-muslimuna wa ata'u. Les musulmans, ils ont écouté, ils ont obéi. Wa hadhihi hiya at-tariqa ath-thaniya min turuq thubut al-imama. C'est la deuxième manière de désigner le gouvernant. C'est وهو ان يختار ولي الامر وليا للعهد. C'est que le gouvernant il désigne un successeur au cas où يخلفه بعد موته كما فعل ابو بكر حيث اختار عمر رضي الله عنه. Comme l'a fait Abu Bakr, il a déterminé Umar s'il lui arrivait quelque chose. الامر الثالث, troisièmement, اذا تغلب واحد من المسلمين واخضع الناس لامارته فانه يكون اميرا واماما لهم. Si un parmi les musulmans prend le dessus, تغلب, il vainc les autres. Wa akhda' an-nas li imaratihi, il a obligé les gens à se soumettre à son ordre. Fa innahu yakunu amiran wa imaman lahum, il devient leur gouvernant. Mithlu ma hasala min 'Abd al-Malik ibn Marwan, comme ça s'est passé avec 'Abd al-Malik ibn Marwan, c'était après les compagnons. فإنه لما حصل الاختلاف بعد وفاة يزيد بن معاوية. Quand il y a eu la divergence, les gens se sont divisés après la mort du fils de Muawiyah ibn Abi Sufyan, Yazid. فإن عبد الملك ibn Marwan ibn al-Hakam قام بالأمر. Donc cette personne-là, عبد الملك ibn Marwan ibn al-Hakam قام بالأمر. Il a pris la خلافة. وكان رجلا شهما حازما. شهما من الشهامة. كان رجلا شهما حازما قويا ونفع الله به. Donc c'était, tu veux dire, la bravoure. Ça vient de Shahama. Haziman, c'est quelqu'un de ferme, de fort et de déterminé. Nafa'allahu bih. Wa na'aqadat bay'atuh. Ça veut dire que le pacte d'allégeance a été fait. Wa sami'a al-muslimuna lahu. Les musulmans l'ont écouté. Wa ata'u, fa kana fi dhalika al-khayru lil-muslimin. Ils l'ont écouté, ils lui ont obéi. Il y avait un grand bien pour les musulmans à ce sujet. Fa hadhihi at-turuq allati tathbutu biha wilayatul imam. Voilà de quelle manière on choisit, ou bien de quelle manière le gouvernant il prend une sa place. Imma bikhtiyari ahli al-hal wal 'aqd, soit les gens qui sont habilités min al-ulama wal umara wa ahli al-siyasa, ils choisissent le hakim. Wa imma bi an ya'had as-sabiq lil lahiq, ou bien le précédent il désigne le précédent l'imam, le hakim il désigne son successeur. وإما أن يتغلب واحد من المسلمين حينما يكون لهم إمام. Ou bien quelqu'un qui prend le dessus. ويخضع الناس له ويخضع الناس له وينقاد له. Il force les gens à se soumettre à lui. وينقاد له يا mettre en application يعني avoir la servilité à son ordre. فلا يجوز لأحد أن يشق العصا. Personne ne peut يعني شق العصا, c'est-à-dire se rebeller ou voilà rompre الطاعن. قو قوله إجماع المسلمين وإجماع المسلمين بإجماع المسلمين. à travers le consensus des gens. لا تفهم من هذا أنه لا بد من اختيار المسلمين كلهم. Il dit ne comprend pas de cela le consensus des gens que tout le monde a son mot à dire pour choisir le gouvernant. ولكن يحصل parmi les musulmans. ولكن يحصل ذلك بإجماع أهل الحل والعقد. Les gens qui sont habilités quand ils sont d'accord sur une chose. خلاص تنعقد البيعة كالحاصل في عهد أبي بكر رضي الله عنه والحاصل في عهد عثمان رضي الله عنه فإن الذين اختاروه هم أهل الشورى كم سيباسي على époque de أبو بكر وعلى époque de اسمه على époque de عثمان على époque de عثمان ça veut dire après la mort du prophète les compagnons qui se sont réunis pour choisir ils ont déterminé Abu Bakr et après la mort de Omar, Omar l'avait désigné Al-Shura, ils étaient 6, ils se sont réunis, ils ont choisi Uthman, les gens de consultation. وهم الباقون من عشرة المبشرين بالجنة, les 6 qui sont promis au paradis après les 4 califes. اختاروه فثبتت إمامته, ils ont choisi Uthman, فثبتت إمامته, donc son caractère de gouvernant des musulmans a été affirmé et confirmé. ولم يعترض أحد على ذلك بل أجمعوا على إمامة عثمان رضي الله عنه. Ils n'ont pas divergé à ce sujet-là. Ils ont été tous d'accord sur le fait de choisir عثمان. Bien sûr. Non. Là pour les 6 personnes qu'ils apportent la choix pour décider de عثمان. Donc c'est les 6 autres parmi les 10 premiers. Il y avait Ali parmi eux ou pas? الذي يظهر أنه يبقى علي. لكن أنا qu'est-ce que j'ai lu في بعض الكتب, c'est que Ali رضي الله عنه منهم. Allah wa alam. Le cheikh ici cite qu'il n'y avait que les 6 promis au paradis, yani, mais Khurja Ali minhum. Allah wa alam. Wasslu. Qawluhu la yahillu li ahadin an yabita laylatan wa la yara anna laysa alayhi imam barran kana aw fajira. Et il n'est pas permis pour quiconque de passer une seule nuit alors qu'il n'a pour lui aucun imam, qu'il soit imam vertueux ou mauvais. De quoi? Ah, la traduction de ça. T'as traduit? لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان فجرا. هذه مسألة مهمة جدا. Il dit ça c'est un point très important. Qui est quoi? وهي أنه لا يجوز للإنسان أن يخرج عن جماعة المسلمين. Il est interdit à une personne quelconque de sortir de la masse des musulmans, sortir du groupe et du globe des musulmans. ويشق عصا الطاعة فإنه إن فعل ذلك وبات ليلة وليس له إمام يعتقد إمامته فهذا قد خلع رقبة الإسلام من عنقه. Il dit ويشق عصا الطاعة, quelqu'un qui se rebelle, qui refuse d'obéir au gouvernant, s'il fait cela et qu'il passe qu'il fait une nuit sans considérer qu'il a une nuit alors qu'il n'a pour lui aucun imam, qu'il n'a pour lui aucun gouvernant, يعتقد إمامته, il y a un gouvernant mais lui considère que ce n'est pas un gouvernant légitime. فقد خلع رقبة الإسلام من عنقه, il a enlevé رقبة ترجمة هل تحت non حديث عمر حديث ابن عبد الله ابن عمر وفيه ومن مات وليس في عنقه بيع مات ميتة جاهلية وفي رواية عن ابن عمر عند الحاكم في المستدرك على الصحيحين من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع رقبة الإسلام من عنقه حتى يراجعه وقال ومن مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية ربقة j'ai oublié comment il traduit ça. On l'avait vu il y a pas longtemps. على كل حال حافظ ابن حجر dans le Fath il dit معناه dans les hadiths que vous avez en bas dans la marge, quelqu'un qui meurt موتة جاهلية, ça veut pas dire qu'il meurt comme à l'époque de l'état anti-islamique, c'est un kafir. Ils disent que il meurt comme à l'état de l'époque anti-islamique. À l'époque, il n'y avait pas de hakim. Celui qui est le plus fort, le plus fort, il mange le plus faible. Il n'y avait pas de hakim ou bien de amir. Il dit, il meurt comme à l'époque anti-islamique. À l'époque anti-islamique, il n'y avait pas de hakim. Chacun, dans le sens que celui qui est le plus habile, etc., l'aqwa, c'est lui qui dirige les choses. قال بمعنى أنه كان مع المسلمين ومرتبطا مع المسلمين فلما خرج عن طاعة الإمام فإنه قطع الارتباط بالمسلمين لسانس قد خلع رقبة الإسلام من عنقه. Il dit il était au milieu des musulmans, il était attaché aux musulmans. Quand il est sorti de l'obéissance du gouvernant, il a coupé cette relation, cet attachement. مثل صغار الأغنام التي يجعل لها حبل ممتد وفيه دركات تدخل فيها رؤوس صغار الغنم لتحفظها من الضياع. Il dit c'est comme un groupe de agnam, de brebis, etc. Et on met un habl mumtad, c'est-à-dire une petite corde qui a une certaine longueur, mumtad, hein, qui a une certaine taille. Au fil des darakat, tout خلو فيها رؤوس صغار الغنم. On fait rentrer comme les petites brebis pour pas les perdre. On les fait rentrer au milieu de celle-ci pour qu'elle les préserve. تحفظها من الضياع, pour pas qu'elle se perde ou bien qu'elle يسمى الربق. Il dit c'est ça ربقة. فشبه اجتماع المسلمين على إمام بذلك. Il dit il a fait ressembler le prophète sallallahu alayhi wa sallam la réunion et le fait que les musulmans sont réunis sur l'obéissance du gouvernant par cela. فمن خرج عن طاعة الإمام, celui qui sort de l'obéissance, il s'abstient de l'obéissance du gouvernant. فقد خلع هذه الربقة وتعرض للضياع وللذئاب وللأهواء. Celui qui a décroché cette corde là, il s'est exposé à ضياع, il s'est exposé à se perdre en cours de chemin et à être mangé par les loups والأهواء الذئاب. الأهواء c'est quoi? Passion, tout simplement. Il va être soumis à sa passion. وليس معناه أنه يكفر. Voilà, Cheikh ici il le dit. Il dit ça ne veut pas dire que la personne elle sort de l'islam. Hein? Il a enlevé cette corde-là qui lui rattache à l'islam. Il dit ça ne veut pas dire qu'il meurt mécréant. Il a quitté la masse des musulmans et il est sorti de l'obéissance du gouvernant. C'est quoi? Il est comparé à l'animal qui sort de toutes les bêtes qui sont rattachées l'une à l'autre. وتعرضت للسباع والنهب والسلب. Il s'est exposé à السباع, donc les animaux féroces. النهب والسلب, c'est le vol. À être volé. Une brebis qui est toute seule, elle risque d'être volée, mangée par, comme il a dit avant, par les loups, ou bien le السباع, les animaux féroces, ou bien par être volée par quelqu'un de quelconque. ولا يقول أنا ما بايعت. faut pas dire moi j'ai pas fait de pacte d'allégeance. وليس لي إمام. Moi j'ai pas de gouvernant. فأنت واحد من المسلمين ولما بايع أهل الحل والعقد فأنت تابع لهم. Les gens qui sont habilités, ils ont fait pacte d'allégeance, tu dois les suivre. C'est ça ta fonction à toi. طيب نقول هذا الحد صارت له إن شاء الله لغة مواصلة قول المؤلف الحج والغزو مع الإمام ماض وصلاة الجمعة خلفهم جائزة ويصلي بعدها ست ركعات يفصل بين كل ركعتين هكذا قال الإمام قال أحمد بن حنبل لغة صلاة بوشن فوق إن شاء الله نعم نعم تتفاضل منها صحبة كثيرة وملازمة Moulazama, c'est rester à proximité d'eux. Comme l'i'tikaf. L'i'tikaf, ils disent l'ouzoum al-shay. L'ouzoum al-masjidin li ta'atillah. L'i'tikaf al-shara, huwa l'ouzoum al-masjid li ta'atillah. Rester dans une mosquée, par obéissance à Allah. L'i'tikaf. L'ouzoum al-rasoul, les compagnons, ils sont restés à proximité de lui. Ils sont restés avec lui. Femme Yulazimo, fulano yulazimo d'arsa. Un tel, il est régulier au cours. Il est tout le temps. Metalanta. انت تلازم الدرس فهمت on rassemble les gouverneurs qui sont présents plus les grades de l'armée, ceux qui choisissent le préfet, les gens qui ont l'autorité في البلدان دان لي ريبوبليك تو سال المينيستر كذا ها عنده كيما قال لك دي جون كي سون اوتور دو لوي عنده بطانه اسمع العلماء كانت يفون لافوكاسيون بور الغوفرنون ايز انفوك بور سا بطانه بور لي جون كي سون اوتور دو لوي الحاكم با تو فير تو تو سول الى دي جون كي سون اوتور دو لوي يعاونوه وهذا تلقى الموضوع هذا بعد لي جون كي كفروا الحاكم تو سا يصاف با تو سا كومو الحاكم يثبت Comment l'imam a l'imam du hakim comment t'etbout il pourra impossible y'a n'est-ce qu'il y a sort ces trois points là de telle manière ou là, de telle manière ou là, de telle manière Wallahu a'lam habsou inshallah hanaya on se verra la semaine prochaine ou bien semaine d'après les gens qui sont diplômés en politique c'est ça pas obligatoirement diplômés les gens qui ont de l'expérience dans ce domaine qui ont déjà touché à ces choses là si ça s'abat comme l'a dit Salah al-Sheikh Si ça s'abat, c'est très difficile. C'est pas quelque chose que toute personne elle peut s'adonner à cela. Si il dit ça avec l'ilm al-anduf shara, ben bab ou là quelqu'un qui connaît rien, ces choses-là qui suit ses passions, qui. Allah alim. Hada wallahu alim. Sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.